Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du sonda, 2.2, bonsoir Monsieur Melon. Salut Grigoula. Bienvenue dans un nouveau numéro, bienvenue dans notre quête du secret du sonda. On va commencer tout de suite par Danny Brown, qui lui n'aime pas forcément totalement les UV, contrairement à Danny Briand. Et oui, puisque nous sommes au cœur de l'été, et donc tu pouvais pas t'empêcher de faire une blague bien pourrie pour démarrer. Parce que le soleil est peut-être venu. Au passage, me savonner la planche, mon cher Grigoula, avec donc cet album Triple X de Danny Brown, qui était sorti en CD courant 2011, mais dont j'ai eu envie de parler, puisque l'édition double vinyle est arrivée. Enfin. Voilà, ce printemps. Ça sort chez Fool's Gold Records, c'est du hip-hop américain, tout ce qu'on aime, très mélangé, tout l'intérêt du rap d'aujourd'hui, des gimmicks et du gros son à la Lil Wayne façon production Bangladesh, des bouffées de noirceur à la World Sound, des gros blunts façon Cypress Hill, des beats plombés façon Company Flow ou DJ Crush pour parler de choses plus anciennes évidemment, mais aussi des ponts avec le hip-hop moderne à la Quakers ou à la Apollo Brown. Sans oublier le coup Hot Future, voilà, c'est vraiment le garçon. La synthèse. Le garçon est dans la place. L'album est excellent. On va s'écouter passer l'intro, finalement le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Die Like a Rockstar, Danny Brown. Dans le secret du son là-bas. Tight, but about the size of a banzai. Kick it like Muay Thai, flow like sci-fi. In high def, I'm righteous and still busting that up on a bitch chest. The verbal folklore been explored and employed by none other than them foes with the gold. And them bankrolls explode, and your bitch in my target when I shoot my load. Bullseye, my eyes tight-eyed, fried off the same shit that rock stars died from. Smoke something with your man, bitch. Like Wyclef used to sell the cannabis. Manuscript, sick shit, prescription, addiction. Sniffing at a roll off the counter in my kitchen. Tripping off the shit that had Brian Wilson flipping. Experiment so much, it's a miracle I'm living. And I'ma die like a rock star. Die like a rock star. I'ma die like a rock star. Die like a rock star. I'ma die like a rock star. Die like a rock star. I'ma die like a rock star. Bitch, I wanna party like Chris Farley. Shot a Hennessy, spike the wits of Molly. Tell mommy I'm sorry, God bless my soul. But life is so sublime, going out like Brad Nord. I got that Kurt Cobain type of mind frame. Feeling like Keith Moon, shrooms in my dressing room. Basquiat freestyle, feeling like Jimi Hendrix and Anna Nicole Mouth. River Phoenix 93 VIP with some drugged up porn hoes all around me, like Terry Diver, Linda Wong, all in hell, having orgies with our horns growing long. Cause bitch, I'm Frankie Lyman. He Fledger hyped up in the jacuzzi, doing that Jim Belushi with Brittany Murphy. We blowing her sheet. I'ma die like a rock star. Danny Brown, dans le secret du son là-bas. Ouais, il est mort comme une rockstar, Danny Brown. Voilà. Je sens que tu la tiens bien, là. Je sens que ça va être le fil conducteur. Ouais, non, mais quand tu rencontres, je te jure, quand tu rencontres Danny Brown au milieu du Jardin des Plantes à Paris, déjà au mois de novembre, il est bronzé comme je sais pas quoi, et là, tu le vois à peine. Et là, tout de suite, sa chanson mythique te revient dans la tête et elle te quitte plus de la journée. Et Danny Brown, j'aimerais tant que ça lui arrive. Tu vois, Danny Brown était plutôt vendeur de plantes, de celles qui se fume, qui se sniff, voilà. Et puis voilà, trentenaire. Il s'est dit, je vais manger. Il lui restait quelques dents à son actif. Il s'est dit, je vais faire du rap. Et grand bien lui en a pris. Voilà. C'est a priori un des premiers disques à vraiment sortir en format physique. Il y a eu plusieurs essais que je connais pas forcément depuis 2010, dont une collaboration avec Black Milk quand même. En tout cas, voilà, le Triple X, vraiment, je vous le recommande. C'est une quinzaine de morceaux. Il n'y en a pas un à jeter. Hyper varié, comme je le disais. C'est vraiment le hip-hop que j'ai envie d'écouter en 2012. En cet été 2012, un peu chagrin, un peu, en tout cas pour le Nord-Loire, un peu grisâtre, mais toujours énervé, on poursuit avec une très jolie découverte indie hip-hop. Indie hip-hop, alors c'est sur les différents sites, blogs, machin qui concernent ce crew Goohead Indie, il est question de noise rap. Tout n'est pas noise, mais ça envoie quand même sévèrement. Il y a Kay, qui a priori l'âme d'année de ce combo, au micro, à la production, à l'enregistrement, etc. Et puis il y a un garçon qui s'appelle Sean Lindahl, qui rajoute un peu à la manière de Dialect, tu vois. Il y avait un gars, comment il s'appelle, Swarm... Comment s'appelle Swarm Darbot, un truc comme ça, qui les accompagne à la guitare, sur certaines tournées. Voilà, donc il y a ce gars-là qui joue un peu ce rôle-là, qui vient épaissir le son à base de strats de guitare. Et puis il y a un gars aussi qui produit de la vidéo pour eux. Voilà. Donc c'est des gens qui nous viennent a priori du Midwest américain, si je dis pas de bêtises. Pour le moment, voilà, Minneapolis, il n'y a pas encore de production physique. Il y a a priori un album qui est en préparation qui s'appelle Noisea, qui a été retardé parce qu'ils ont été approchés par Alain Bell indépendant, qu'ils ont envie de faire les choses bien, et ils ont raison. On va s'écouter coup sur coup deux extraits de disques virtuels, d'albums virtuels qu'on peut trouver soit gratuitement, soit en y mettant le prix qu'on veut sur leur Bandcamp. Dans l'ordre, celui qui est sorti plus récemment, fin d'année 2011, qui s'appelle Rap Hood and Authenticity, qui est plus, on va dire, dans des sons plus communs, plus aérés, plus dans le ton de ce qui se fait en ce moment dans le hip-hop indépendant américain. Et puis ensuite, un extrait du Sana Sana, qui est là, beaucoup plus noisy. C'est K of Gehead Indie, dans le secret du son d'abat. Cold words, more work, trying to make it stop. Hope it takes a little change, but it's worth a lot. Lips spread, no head, but they reach the top. Now they got what you want, so your stomach knots. All the while, the time skips and piles up. You're told to breathe and smile, but it's not enough. Whispering to water, washed up, broke ears. All fear matches with a stack of lost years. Begging for a handout, most of the time planned out. Run into the crib to complain, no more puts out. Pissed, your foot's on the gas with your overused eyes. So you always cut me off, cause your baby needs cash. Always rock a close fist, handle this. Somewhere there's a key to the being that they must have missed. Swear to God that you've had enough, feeling tough. Cuffed to the side of a can't afford ride on. Pretend to end, friends tend to spin. Then bend, pin, sin, defend, kin, begin, blend. All life, same life, no life, right? All life, same life, no life, right? In this instance, most kids defenseless. Stay relentless. Pump fist to endless. Raise them up, give a fuck, don't erupt, feel it. Most your lives in a rut, now you're stuck in it. I'm the witness, intent to fist this. In this instance, most kids defenseless. Raise them up, give a fuck, don't erupt, feel it. Most your lives in a rut, now you're stuck in it. Running for nothing to flash back to your prime time. Calm mind, looking like it's scared to unwind. Try, maybe what you'll find are clear minds and incense. Something similar to a sixth sense. I see them, always looking worried like they're running. Now, living in the desert, but afraid when the sun's out. All doubt, with the tired eyes, except their lives broken. Looking out for passing tokens. I said, wait, I waste my days, caught up in a phase to blaze. Hoping I'll figure out these kids to age wrong. They think we don't know that the homes are cracking and blasting, and it's too real for them to be acting. So the silence. Grab a mirror, take a look till the tears dry. Ask why feelings never fly by. All alike, all same, not right. All alike, all same, not right. Yeah. In this instance, most kids defenseless. Stay relentless, pump fist to endless. Raise them up, give a fuck, don't erupt, feel it. Most your lives in a rut, now you're stuck in it. I'm the witness, intent to fist this. In this instance, most kids defenseless. Raise them up, give a fuck, don't erupt, feel it. Most your lives in a rut, now you're stuck in it. In this instance, most kids defenseless. Stay relentless, pump fist to endless. I'm the witness, intent to fist this. In this instance, most kids defenseless. I'm the witness, intent to fix this. In this instance, most kids defenseless. Kids defenseless. Thank you. Évidemment, ça termine sur un plan Blade Runnerien, parce que c'est à la mode, mais en tout cas, voilà, c'est le grand retour, ou je sais pas si c'est le retour, mais enfin, en tout cas, c'est l'avènement du noise rap avec Gehead Indie. D'abord, plus soft, on va dire, l'album Rap Hood and Authenticity avec le morceau All Life, Same Life, qui était quand même franchement sympa, même si l'album est peut-être moins marquant. Ah bah là, mais en libre téléchargement, et puis donc Sana. Là, ça laisse une trace. avec la distribution de Mandal sur 7 minutes 31 exactement, avec Kukoi, K of Gehead Indie. Donc évidemment, les influences sont nombreuses, depuis on va dire les Fever, les Techno Animal, les Second Gen, les dialects évidemment. Il va falloir que le nom ressorte à un moment donné, parce que pour toute cette scène là, je pense à Death Grip, je pense à Blackie. Et là, je me dis, putain, ils sont en train de rater le wagon, là, les New Yorkais, quoi, parce que... En tout cas, enfin bon, ils sont... le Gehead Indie, je dirais, son double parrainage, c'est quand même Death Grips, puisqu'ils ont remixé Death Grips sur un EP, je crois, et puis... Dialek, puisqu'il y a des collaborations qui existent en ligne entre Gehead Indie et Dialek, évidemment. Mais voilà, rassuré un petit peu. Et puis donc, on attend, il y a des extraits du Noisea qui traînent déjà en ligne et qui sont assez fracassants, encore plus, si je puis dire, que ce qu'on vient d'écouter. Donc évidemment, l'impatience grandit, on tend la joue, on baisse le pantalon. Aïe! Ça pique. Et on attend fébrilement. Voilà, on continue avec les grandes figures des musiques contemporaines et populaires de ces années 2000. Je parle de ZX et de Catchui, qui avaient sorti un premier album de collaboration en 2006 qui avait marqué tout le monde, évidemment, la rencontre merveilleuse entre l'un des plus grands saxophonistes éthiopiens et sûrement l'une des plus grandes formations post-punk ou noise rock de tous les temps. Les revoilà tous les deux et tous les trois ou quatre, parce qu'il y a plein d'invités sur ce nouvel album qui sort chez Concurrent et chez Terp en ce mi-juillet 2012. On va écouter un premier extrait qui s'appelle Ambassel. Que dire, cet album est assez surprenant parce qu'il y a peu d'utilisation de la voix. Contrairement au premier album, on est dans l'esprit du premier album, je le trouve un peu moins rythmé, avec des morceaux un peu moins marquants au bout de trois écoutes. Voilà, on va laisser venir, comme tous les bons vins, des fois il faut laisser le temps. Voilà, moi je suis très heureux de les retrouver. Ils annoncent une série de concerts un peu partout dans l'Europe à l'automne 2012. Je pense que là, il ne faudra pas les louper parce que leur premier passage était merveilleux, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, le merveilleux, ben, on en reprend hein, des bonnes couches. Donc, on s'écoute vite fait un petit Zex et Catchui, donc tiré du nouvel album qui sort sur Concurrent. Alors, il a un nom à la mort moelle nœud, alors je ne vais pas vous le donner, je l'ai pourtant noté quelque part. On le retrouvera partout, de façon, partout, de blog en blog. Il sort là, ces jours-ci, Zex, Catchui, c'est dans le secret du son d'abat, bien sûr. Thank you. Turing Machine dans Le Secret du Son d'Abba. Des popeux qui ont le bon goût de ne pas chanter. Alors, pas forcément des popeux, parce que c'était, pour ceux qui connaissent un peu Turing Machine, déjà deux albums auparavant, sur le mythique label Jatry, et puis ils avaient fait Pitch Blend dans les années 90, mythique combo obscur, évidemment, obscur des post-hardcore, à la Slin, Bastro, et ils avaient monté donc à la fin des années 90 Turing Machine, combo dans la suite hein, de Pitch Blend, dans des effluves plus post-rock, plus slintien, et ils s'étaient démarqués déjà sur le deuxième album vers des choses plus un peu plus groovy, voilà, et entre temps ils ont perdu leur batteur comme Chick et comme Maserati, parce que c'était le même batteur. Il s'appelait, je reprends mes notes, Jerry Futch, et il a sauté dans le hall d'un ascenseur et il s'est ramassé, il est mort. Dommage, paix à son âme. 2009, et depuis le trio, c'était un peu perdu, ils cherchaient, ils avaient commencé à enregistrer des parties de cet album là qu'on vient d'écouter, qui s'appelle What is the meaning of what sur Temporary Residence, et bien étonnamment ils ont essayé de boutiquer un truc un peu comme l'a fait Maserati pour quelque chose d'assez dansant, d'assez pas loin de entre LCD Sound System et des choses plus post-rock. En tout cas, cet album est assez réussi. C'est catchy hein, pour le. C'est très catchy. Je ne serais pas aussi dithyrambique que la presse spécialisée, parce que ça reste quand même assez évident. Ça porte pas forcément grand chose, mais c'est un très bon album, très très joyeux, très sympathique, très léger. Débarrassé des choses un peu mélancoliques des deux premiers albums. En tout cas, Turing Machine, voilà, a passé un cap. Je sais pas s'ils vont poursuivre l'aventure, semble-t-il que non. En tout cas, je vous le conseille, justement, un très joli album de l'été 2012, pour le coup. On poursuit avec... plus je l'écoute, plus je l'aime. Mais tu n'as pas l'air d'être le seul, mon cher Greg. Ouais, ce nouvel album de Chouchouchouchot, vraiment... J'ai peur que ça soit vraiment du grand cru. Parmi de tous les très bons albums de noise rock qu'on a entendu depuis ce début d'année 2012, je crois qu'ils sont en train de gagner la palme, parce que rarement un album a été aussi, en 9 titres finalement, aussi ramassé, aussi fin, aussi varié. Voilà, je sais pas quoi dire, parce que c'est toujours embêtant de parler des potes et tout ça, mais vraiment je suis assez bluffé, parce que cet album il est vraiment très très très bon. Il est très très juste, il est rempli de toutes les influences qu'on connaît, mais il y a quelque chose en plus. C'est vraiment, je suis très heureux d'avoir passé un nouvel extrait dans l'émission. Ils seront en concert à la rentrée 2012 et pas des moindres, pour une très très belle soirée, deux très belles soirées organisées par nos amis de Cafioul, Kérosène, le 6 et 7 septembre 2012. Grosse rentrée noise à la bascule. Grosse rentrée noise à la bascule et au Mondo Bizarro avec les chouchous, Hawks, on va en parler, Buildings, etc. Vraiment, ça sera un rendez-vous à pas manquer dans l'Ouest. Un joli doublé. Voilà, et on écoute tout de suite les chouchous avec sûrement l'un des morceaux phares de l'album, en tout cas l'un de mes préférés, et pourtant je l'aime beaucoup cet album. Il s'appelle Coming, et je vais sorte de condensé de cet album-là en un titre. Superbe résumé d'un superbe c'est album. C'est Kitty Bong, A Temps Rêvé du Roi et Réjuvénation. Et Réjuvénation. Et ils ont bien joué hein, dans le coup. Ils s'y sont mis. Chouchou, dans Le Secret du Son d'Abba. Yeah. Troisième album de Hawks, Dans le secret du son d'abat, premier extrait, ce nouvel album qui sort sur Learning Curve aux États-Unis et sur Rejuvenation Records pour toute l'Europe. Big up Greg et Agnès. Hawks, quatuor américain, noise rock comme vous avez pu l'entendre d'un certain classicisme au premier abord, et évidemment un peu comme les chouchous, on se fait avoir au fil des écoutes, et évidemment la troisième écoute est fatal et nous envoie au plus fond des ténèbres noise et leurs tourments. Voilà, ils seront tournée européenne début septembre, ils seront de passage évidemment dans l'ouest et on a beaucoup de chance, il faudra évidemment pas les rater, voilà, parce que c'est évidemment très très bon. Autant pour les amateurs de Jesus Lizard que de Swamp Rock. Et donc vraiment passionnant, les Hawks. Et le même week-end, même pas le même soir, a priori la veille, il y aura les excellents Buildings. Pas au même endroit non plus, hein, a priori. A priori, ça sera peut-être à la bascule. Buildings serait à la bascule et puis... Et les Hawks. Chouchou et Hawks au Mondo. Voilà, et en tout cas les... À Rennes, bien sûr. Les Buildings nous avaient déjà défrayé les chroniques avec leur deuxième album, Melt, Cry, Sleep, sorti fin 2011, voilà, sur le label Catchco Production. Et on va écouter un deuxième extrait pour annoncer cette double belle soirée à Rennes. On va écouter un extrait qui s'appelle Born on a Bomb, et je crois que tout est dans le titre de ce combo noise rock des plus vénères. Buildings. We'll be right back. Elizabeth Short came back to Los Angeles. She wasn't wearing black anymore, but she still had a secret, she said. She told me, now, smoke reverses back into the cigarette. We'll be right back. On ne l'avait jamais diffusé avant, il y a quelques semaines, et puis on ne s'en laisse plus, proriente dans le secret du son d'Abba. Le son de l'obscurité de la côte ouest des États-Unis, bande son idéale pour film érotique avec des avec des androïdes. Ouais, c'est et vraiment, des zombies. Ça sent un mélange de Blade Runner et je ne sais quoi. Ça sort donc, c'est sorti chez Hydrahead, c'est un EP Times Arrow. Excellent, ça suit donc de quelques semaines, quelques mois, l'album Bermuda Drain, publié déjà chez Hydrahead. Et donc qui donne plus rien, donc Dominic Fernault donne libre cours à sa version toute personnelle de l'Electro Dark, donc qui s'inscrit dans une longue lignée qu'on s'abstiendra de citer, mais... Il est tard. Et en tout cas, voilà, c'est très réussi, c'est très personnel, c'est très beau, c'est très sombre, et on aime ça. Vous êtes dans le secret du son d'Abba, et vous savez maintenant que, bah voilà, peut-être que c'est dans la darkitude qu'on va peut-être trouver le groove. Alors on poursuit avec les revivals. On poursuit avec les revivals avec School of the Seven Bells. Alors là, on est vraiment dans le son des années 80, à la 4AD, Pale Saints, Lush, Cocteau Twins et tout ce qui s'ensuit. Et pour que tu sortes un morceau de truc comme ça maintenant, faut vraiment que ça vaut la. Bah, je sais pas si ça vaut le coup. Je sais qu'il y a. T'es sous le charme en tout cas. Je sais que oui, voilà, j'ai été sous le charme de ce troisième album qui s'appelle Ghost Story, qui est sorti par Ghostly International au printemps 2012. J'avais franchement pas plus que ça aimé les deux précédents. Qu'est-ce qui fait que celui-là, qui pourtant me semble à peu près pareil que les autres, fonctionne chez le moi? Printemps, bah après, et l'été automnal. Je sais pas, en tout cas, c'est le propre des mélodies pop, qu'il suffit parfois d'un rien pour que ça fonctionne, alors que juste avant ça fonctionnait pas. La recette, donc, c'est vraiment ce son de New Wave synthétique, avec donc un quatuor au départ fondé autour de deux frangines a priori jumelles, Claudia et Alejandra Deheza, et en fait l'une des deux s'est barrée, c'est réduit à un duo avec donc Alejandra Deheza et Benjamin Curtis. Je crois qu'il y a déjà un buzz autour de, voire plus qu'un buzz autour d'eux là. Autour d'eux, il y a eu une Black Session en France, il y a eu une couverture de Obscure Magazine l'hiver dernier. Il y a des featuring sur les talk-shows américains. Il y a des tournées, il y a des concerts. Bref, c'est parti. Voilà ça. Et puis vraiment, ça vaut le coup. Il y a d'excellentes chansons sur ce Ghost Story, à l'image du Scavenger qu'on va s'écouter tout de suite. School of the Seven Bells. Dans le secret du son d'Abba. Et c'est le seul légume qui pousse vraiment bien en cet été 2012, c'est la tomate cerise. Titre de cet excellent deuxième album des Marilyn Rambeau. Ça, c'est du lancement, hein, quand même, de disque. Marilyn Rambeau, ce duo guitare-batterie des Seven, qui vient de sortir donc ce deuxième album, Matrock, un peu à la Ella, mais un peu bouffé par Turing Machine, qu'on a pu entendre un petit peu avant dans l'émission. L'album s'appelle Baleine à mourir. Voilà, vous avez compris, c'est des joyeux drills. Ils joueront un peu partout durant l'été 2012 et entre autres à Nantes le 22 juillet, trop tard. Et mais ils repasseront bientôt par chez vous, j'en suis sûr, Marilyn Rambeau. Voilà, un très très chouette album de Matrock. Alors je sais bien qu'il y en a des milliers, des duos Matrock en France. Je pense qu'il y en a plus que des groupes de hardcore ou je ne sais quoi. Mais il n'empêche que, une fois de plus, je suis un peu surpris de me faire avoir. Et voilà, j'en passe un petit morceau des Marilyn Monroe. Rambeau. On se quitte avec une nouvelle trouvaille de l'excellent label Crummit Disc, label belge. Avec Jaguar Music. Jaguar Music, c'est un crew de 8 Tanzaniens. Et oui, on est parti en Afrique avec un sorte de groove un peu intrigant à la base de percussions traditionnelles, d'un clavier Casio bien vintage, vous allez pouvoir l'entendre. Sur scène, auquel il manque des touches peut-être même. Je pense même quelques microprocesseurs. Des danseurs, un super MC, c'est un peu voodoo, c'est un peu urbain, on va dire que c'est, ça peut faire penser parfois à des déclinaisons de coupés décalés, voire de kuduro, c'est pour dire. Ils appellent ça du Michiriku, c'est très DIY dans l'attitude. Le groupe, semble-t-il, a presque 20 ans. En tout cas, c'est leur premier vrai album. Il vient de sortir au printemps 2012. On sera pas loin de penser à l'attitude, à la démarche des Konono numéro 1. En tout cas, voilà, un album vraiment très réussi qui s'appelle Bongo Hotheads. Et voilà, on espère maintenant les voir sur la scène. Ils sont déjà venus en Europe avant d'être signés sur Crummit Disc. Et voilà, c'est une très jolie surprise, une fois de plus, chez les amis des Belges Jaguar Music. Pour se quitter, à bientôt Monsieur Melon. À bientôt Monsieur Grigoula. Merci David, à très bientôt dans le secret du son là-bas. Chaud devant. Chicago, boy, yeah.